Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Projet Nancy 94.2. Yves est à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter le patchwork numéro 30 à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui, c'est un voyage musical au Portugal. Par la même occasion, trois coups de chapeau à Linda de Souza. Une promenade autour des mots Portugal ou portugais et le tout étoilé de zouk antillé. Et vous verrez qu'on peut trouver de la belle musique, sans être obligé d'aller la chercher outre-Atlantique aux États-Unis. Allez, place au zouk. Auteur, compositeur, guitariste et interprète guadeloupéen Fred Désey consacre son talent à l'écriture de musique inspirée des rythmes traditionnels de la Guadeloupe. Sa tendresse et sa joie, mêlées à des influences jazzy africaines et brésiliennes, créent une ambiance originale et entraînante. Allez, un tube actuel, Midnight Lover, Fred Désey. Give me the sweet wine. Give me the sweet wine. Excuse my English. Hey. Give me the sweet wine. Midnight lover, this is how you call me tonight. Midnight lover, this is how you call me tonight. I spend the whole day thinking about it. You know my heart is yours in every beat. That day we gonna get closer. Le Portugal, au pays du sud de l'Europe, membre de l'Union européenne, est situé à l'ouest de la péninsule ibérique, délimité au nord et à l'est par l'Espagne, puis au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. Ah ben oui, bien sûr, je le situe. Des fois, quelqu'un ne voudrait pas situer le Portugal ailleurs qu'il ne l'est, hein, en Afrique ou je sais pas, en Asie. Le Portugal comprend également les archipels des Açores et de Madère. Ben ça, vous le saviez moins. Population, 10 millions d'habitants, pour une superficie de 100 000 km². Les villes importantes, Lisbonne, la capitale, avec 550 000 habitants, Porto, 240 000 habitants, Vila Nova de Gaia, 190 000, et Amadora, 175 000. Réputation, haha. Réputation, vous êtes d'accord, vous ne l'êtes pas, hein, vous devoir. Réputation des Portugais, êtes-vous d'accord? En amour, les Portugaises ne s'enflamment pas au premier regard. Elles ont besoin d'être sûres d'un amour réciproque. Ah, vous ne les verrez pas à l'émission mariée au premier regard, ça c'est sûr. Mais bon, si tel est le cas, elles s'enflamment, mais alors c'est un véritable incendie, hein, le diable dans la maison. Bah, heureusement, les Portugais sont de bons pompiers. Voilà, bravo les gars. En humour, les Portugais en débordent. Ils aiment rire et ont le sens de la fête. La haine, ah, les Portugais préfèrent mille fois plus aimer plutôt que de haïr, et ils le feront tout pour ne pas ressentir ce sentiment. Le charme, alors faites un test. Observez vraiment un Portugais ou une Portugaise. Faites-le ou la sourire, et si vous ne fondez pas, mettez une bonne paire de lunettes, ou mieux, hein, vous achetez un chien. La loyauté, c'est très important. La sincérité des sentiments est primordiale. Le machisme. Ah, si le Portugais est quelquefois macho, ah, il n'est pas de nature, mais il est de culture. Le respect. Ah, les Portugais sont très respectueux de la gente féminine. La femme mérite des égards particuliers. Chanson portugaise, Antonio Zamburro. De manhã cedinho, eu salto do ninho e vou para a paragem. De bandolete, à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar. E o meu peito cético, por um picado elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, é que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblite o peito da mãe. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Thank you. acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pique do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pique. Premier coup de chapeau à Linda de Souza. Linda de Souza, c'est une chanteuse lusophone et francophone d'origine portugaise et elle vit maintenant en France. Ah, lusophone, vous voulez savoir ce que ça veut dire ? Moi, ça veut dire qu'elle parle le portugais, tout simplement. Elle est arrivée à Paris en 1969. Tout d'abord concierge d'immeuble et femme de ménage, elle s'acharna à présenter des maquettes de chansons avant de trouver enfin un producteur. Et c'est en 1978 qu'elle connut son premier succès avec la chanson « Le Portugais », classée 10e en France, et il devait s'écouler 250 000 exemplaires. Eh bien, si vous êtes sage et si on a le temps, on vous la passerait cette chanson en fin d'émission. Pour l'instant, c'est « O Maloa, Maloa » Linda de Souza. As Marias foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. As borrotas foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas tortas. Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas tortas. Au Portugal, à deux, c'est idéal. Là-bas, si l'on est fou, le ciel l'est plus que vous. Et pour un sentimental, l'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal en avril ? Avril au Portugal, Marie Myriam. Je veux vous raconter ce qui m'est arrivé sous un ciel où l'été s'attarde. Histoire aventureux que pour mes jours heureux je garde. Un grand navire à quai, la foule débarquait, deux yeux sous des bouquets regarde. L'amour devait rôder puisqu'on s'est regardé et mon cœur s'est mis à chanter. Avril au Portugal, à deux c'est idéal. Là-bas si l'on est fou, le ciel est plus que vous pour un sentimental. L'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal en avril? Le soir sous mes yeux clos, ils sortent au fil de l'eau. Je vois par le hublot la rive. Des voiles de couleurs, de lourds parfums de fleurs, des chants de bateleurs m'arrivent. Tout ça verse mon cœur d'un rêve de bonheur où les regrets ailleurs me suivent. L'amour devait savoir en nous suivant le soir que j'aimerais un jour. Là-bas, si l'on est fou, le ciel est plus que vous pour un sentimental. L'amour existe-t-il ailleurs qu'au Portugal en avril? Pour suivre, je vous propose un hit des Zouk 2019, composé et interprété par les deux frères Dave et Stevie. Bah non, pas Stevie de la Star Academy, il chante pas lui. Allez, laisse-moi caresser, laisse-moi te caresser, ça veut dire Dave et Stevie. C'était un jour qui t'est béni. Et jour là, ça m'a changé, ça t'est écrit. Oh, Antillier d'où posé, qui fait que moi tombé. Antimo d'où soufflé, si que moi posé. Ou peut poser merci, moi. Ou déposer via si t'en moi. Tant des bras. Ça l'image en tout cas moi c'était. Que faire au Portugal? Tout d'abord, apprendre à prononcer la lettre J. Le J, on prononce R, quoi. C'est un R, un R de rien. Bon, d'abord, une visite de Lisbonne s'impose. Les vieux quartiers, une concentration impressionnante de monuments. Le musée archéologique de Carmo et sa grande église, avec sa nef restée à ciel ouvert depuis le tremblement de terre de 1755. Le monastère de Reronimos, je l'ai bien dit, et les tombeaux des grands explorateurs, l'Océanorium, le pont Vasca de Gama, le plus long d'Europe, la place du commerce, son arc de triomphe et ses galeries à arcades. Mais il n'y a pas que Lisbonne au Portugal. Alors on découvrira Alanjo et la route des vins, Algrave, ses plages et les villes fortifiées héritées du passé maure, M-A-U-R-E. À Coimbra, on s'imprégnera de l'art nouveau. Alors ne manquez pas la forteresse de Covento do Cristo et puis Évora, non pas Césaria, c'est une des plus belles villes du Portugal. Faro, un art de vivre traditionnel préservé, le charme est de ses façades et de ses ruelles pavées. Fatima, lieu de pèlerinage, le Lourdes portugais. Nazaré, son port de pêche et son marché aux poissons. Óbidos, le charme médiéval des églises baroquisantes. Et le Jinja, l'alcool de griotte. Porto, le charme suranné des azulejos et le tram des années 20. Sintra, dans un écran de verdure, une petite ville classée au patrimoine de l'UNESCO où les luxueuses propriétés côtoient les palais. Et pour les oreilles, le fado, un genre musical portugais traditionnel et très ancien. Alors le fado s'écoute dans un silence total et met en avant les émotions de la tristesse et de la mélancolie, la sonate quoi. Carminho, Saya Rolada. Vestia saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vem lá de longe da cidade e tem os olhos rasos de saudade em mim. E eu mando-lhe beijos e recados em retratos meus. Pudesse o verão não mais ter fim. Que eu estou tão nervosa com esta coisa do casar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços. De cabeça ao vento e a duvidar o que faz eu mudar. São os ciúmes que a saudade tem. E se aos ciúmes eu já disse adeus, hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. Postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Música. dúvidas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Larilai, larilai, larilai, larilai, larilai, larilai. Larilai, larilai, larilai, larilai. Vesti a saia rodada do meu amor. Deuxième coup de chapeau à Linda De Souza. Le 20 janvier 1983, ce fut le soir où elle chanta à l'Olympia de Paris pour la première fois, et prévu initialement pour deux concerts, ceux-ci s'effectuèrent à guichet fermé, et ce fut finalement 15 soirées d'affilée qui furent données. La communauté portugaise s'était mobilisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis c'est en 1984 qu'elle obtint un succès inattendu en sortant son livre « La valise en carton » qui se vendit à 2 millions d'exemplaires. Allez, Marinheiro, Linda De Souza. L'océan Atlantique, il a vécu comme un corsaire. Messieurs, messieurs, marinière est de retour. Mesdames, mesdames, on dit que c'est par amour. Hola, olé, marinière est dans la ville. Olé, hola, on est bien garde à vos filles. Marinière, marinière, nous arrive du bout du monde. Avec des soies magnifiques pour les brunes et pour les blondes. Marinheiro, marinheiro, et tes pas qui sont fortune. Il revient sur un toit mal rempli d'or et de bijoux. Messieurs, messieurs, marinheiro est de retour. Mesdames, mesdames, on dit que c'est par amour. Hola, olé, marinheiro est dans la ville. Olé, hola, prenez bien garde à vos filles. Marinheiro, marinheiro, aime le grand vent dans les voiles, le soleil brûlant d'Afrique et les aurores boréales. Marinheiro, marinheiro, est un enfant de bohème, il ne sait pas dire merci, il sait trop bien dire je t'aime. Messieurs, messieurs, marinheiro est de retour. Mesdames, mesdames, on dit que c'est par amour. Hola, olé, marinheiro est dans la ville. Olé, hola, on est bien garde. Hola, olé, marinheiro est de retour. Olé, hola, on dit que c'est par amour. Artiste engagé et grand voyageur, Georges Moustaki ne pouvait rester indifférent à la révolution du 25 avril 1974 au Portugal. Proche des milieux trotskistes, après mai 68, il adapta en français le fado tropical de Chico Buarque sous le titre « Portugal ». Dans cette chanson, Georges Moustaki rendait hommage à la révolution portugaise, voyant en elle l'espoir de la réalisation de ses idées politiques. Et à ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dites-leur qu'un œil est rouge, a fleuri au Portugal. Portugal, Georges Moustaki. « petite sœur d'exil. Tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili. La guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Ô muse de mio fado, ô minha mais gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. S'envole ta chanson, car enfin le soleil réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Le Portugal possède une gastronomie aussi riche et variée que son paysage. Alors, si vous savourez un simple poisson délicieux, grillé, toujours très frais, tout comme les fruits de mer qui abondent tout au long du littoral, alors vous êtes sûr d'être au Portugal, le meilleur poisson du monde. Comme viande, ne passez pas à côté du cozido à portugache. C'est un mélange de viande, de légumes et de charcuterie variée, du nord au sud. Le Portugal produit d'excellentes viandes labellisées AOP, appellation d'origine protégée, pour le veau, le porc et le chevreau. Chevreau, on appelle ça aussi le cabri. Les fruits et les légumes ont gardé leur goût d'autrefois et certains sont aussi d'origine AOP dans la mesure où la plupart proviennent d'exploitations biologiques. L'huile d'olive de grande qualité, présente dans toutes les recettes et notamment dans la conception des préparations de morue, que les Portugais savent cuisiner à la perfection. les vins, bien sûr, le Porto, mais aussi d'excellents vins de table, notamment ceux du Douro et de l'Alentejo. Fromage, à la meilleure cote pour le fromage, c'est le Serra, mais aussi tous ceux protégés, produits, dans la région du centre du Portugal, ceux de l'Alentejo et ceux des Açores sont vraiment délicieux. Pâtisserie, ah, ne manquez pas de goûter au pastel de nata, délicieux petit flan, dans une pâte feuilletée saupoudrée de cannelle, il s'accompagne toujours parfaitement le café expresso dont les Portugais sont friands. Finalement, vous pourrez toujours trinquer, avec modération bien sûr, on vous fait confiance, avec un Porto ou un Madère, des vins de dessert bien connus, contra outro deolina. Anda, desliga o cabo que liga a vida a esse jogo. Joga comigo um jogo nu com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos a tentar vencer alguém. E ao cabo, que é dado como um ganho, vai-se haver desperdiçado sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra, que a tua meta está deste lado da tua vida. Muda de nível, sai de um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e repetível, dá-te mais que o impossível. Que tu ganhas é a tua que mais perde se não vais. Anda, mostra o que vales. Tu nesse jogo vales tão pouco. Troca de vício por outro novo. Que o desafio é corpo a corpo. Escolha sempre poder, dou-te a vantagem, estou com tudo eu sem nada, que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo, para a rua vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo, para a rua vem, que essa vida que por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vai. Sai de casa e vem comigo, para a rua vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, que tu ganhas é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo, para a rua vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Troisième coup de chapeau à Linda de Souza. Après une traversée du désert, marquée par des moments difficiles, victime d'usurpations d'identité et de détournements de fonds, elle opère son grand retour en 2013 en participant à l'émission Les Années Bonheur et Michel Drucker lui consacre son numéro 1 de Vivement Dimanche. En 2014, elle participe à la dernière croisière Âge tendre et Tête de bois. En 2016 et 2017, à la croisière Âge tendre, Un enfant peut faire chanter le monde, Linda de Souza. Une chanson de 1955 sur des paroles de Roger Lucchesi et une musique de André Pop. Elle fut reprise en 1957 dans le film de Pierre Gaspard Huit, Les Lavandières du Portugal. Les Lavandières du Portugal. Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celles de la rivière, de la ville de Setúbal. Ça n'est vraiment pas des lavoirs où elles lavent mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura de la linge à laver, on boira de la mandamille. Tant qu'il y aura de la linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et top, et top. Ce soir, quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait, aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, si c'est un vin du pied, ou bien même quelques vieilles dalles, elles s'amusent à le mouiller en chantant du bois éraillé. Tant qu'il y aura de la linge à laver, on boira danser. Le soir venu, les lavandières s'en vont avec leur linge blanc. Il faut voir leur silhouette fière se détacher dans le couchant. Sur la tête, leur panier posé, telles des déesses antiques. On entend doucement s'éloigner leur refrain et leur pas feutré. Tant qu'il y aura de la jala, ramener du Portugal. Ben, d'abord un album de fado, hein. Une musique qui sait bien mélanger la mélancolie, l'amour, la nostalgie et l'espoir magnifique qui cristallise une partie de l'âme de Lisbonne. Une bouteille de Porto, une bouteille de Ginja, oh je vais le refaire celui-là, une bouteille de Ginja, un alcool à la cerise, une bouteille de Amargina, une succulente liqueur d'amande, à déguster avec un trait de citron et des glaçons, ou encore une bonne bouteille d'huile. Enfin, c'est pas l'apéritif quand même. Un souvenir en Liège. Il faut dire que la moitié du Liège utilisé dans le monde provient du Portugal. Le Liège, on le décline sous toutes ses formes, en portefeuille, en sac et même en chaussures. Des pastels, la star des desserts portugais. Alors une fois arrivé en France, on les repassera quelques instants au four pour qu'elles retrouvent tout leur délicieux croustillant. De la faïence, j'ai bien dit de la faïence, des azulejos, on les retrouve sur la façade des boutiques et des immeubles de tout Lisbonne. De la joaillerie, les Portugais apprécient particulièrement l'or. Et le travail de l'or est devenu une tradition parfaitement maîtrisée en cantada. Anamura. tanto. Vous avez été sage et qu'il nous reste un peu de temps, au risque de me répéter, eh bien, je vais vous passer le premier grand succès de Linda D'Assouza. C'est un succès qui remonte à 1978. Je vous ai dit tout à l'heure et je vous le redis, cette chanson se classa 10e en France et se vendit à 250 000 exemplaires. Un Portugais, Linda D'Assouza. Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 30. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Vous savez que vous pouvez durant toute la semaine retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site Radio Fagette Nancy. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, nous vous espérons fidèles à la cerise sur le canto à 10h. En attendant, soyez heureux et branchés à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net fagette.net en ligne pour les autres Européens. Allez, au revoir!